La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tu vous dis, Rebuto, ton avenir de repos. Du soleil, l'arc-en-ciel, des gouttes d'eau. Du ordinateur, des bulles. Tu pleus la joie sur les renaissances. Du bouteille de fer. Du spirale amicale végétale. Tu liquides le sec. Tu tabas tranquille. Tu basse-tête quelques moustaches. Tu astres, tu cagoules, tu gargouilles. Tu jus de joie, tu flaques, tu silex. Tu loues de louve, Camilou. Et tu là. Tu amaterasu, les vapeurs célestes. Tu argile en krypton, l'ex voto du tu la vends, et semences, les ailes des pissenlits. Tu braises mes mères, mellifères entre mes chairs. Du foulard, la stratosphère, atmosphère, atmosphère, atmosphère. Du casque, du tonnerre, du bisou, du doudou d'eau. Du énergie, du cascade de nos cœurs délirants de vie. Du boudin, tous les boutons, tout, ici et maintenant. Du boudin, rebouton, ton avenir de robot. Du boudin, rebouton, ton avenir de robot. Tu finances ton fils pour un futur fané. Tu finances ton fils pour un futur fané. Et tu astres, tu cagoules, tu gargouilles. Tu jus de joie, tu flaques, tu silex. Et tu taffes, Lou, et tu taffes Camille, là où es-tu? Et tu taffes, et tu taffes ton fils pour un avenir fané. Tu finances ton fils pour un futur fané. Tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu as ta tête, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu cascades nos cœurs, délirant de vie. Tu cascades nos cœurs, délirant de vie. Et tu t'en vas, et tu t'en vas, et tu t'en vas.